Livre du prophète Michée, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par mission-web.com. Chapitre 1. Parole du Seigneur qui fut adressée à Michée de Morézette, dans les jours de Joatan, d'Achaz et d'Ézéchias, roi de Juda, dont il eut la vision touchant Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple. Sois attentive, terre, avec ce qui te remplit. Le Seigneur l'Éternel va témoigner contre vous, le Seigneur, du palais de sa sainteté. Car voici que le Seigneur va sortir de sa demeure. Il descendra, il marchera sur les hauteurs de la terre. Les montagnes se fondront sous ses pas, les vallées se fendront, comme la cire devant le feu, comme l'eau versée sur une pente. Tout cela à cause du crime de Jacob et à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Et quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un tas de pierres dans un champ, un lieu à planter la vigne. Je ferai rouler ces pierres dans la vallée et je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces statues seront brisées, et tous ces salaires consumés par le feu. De toutes ces idoles je ferai une ruine, car elle les a amassées avec le salaire de la prostitution, et elles redeviendront un salaire de prostitution. À cause de cela, je me lamenterai et je hurlerai, je marcherai dépouillé et nu. Je répandrai une lamentation comme le chacal, et une plainte comme l'autruche. Car sa plaie est mortelle. Car elle vient jusqu'à Juda, elle arrive jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez pas dans Jette, ne pleurez pas dans Akko. À Beth-Afra, je me roule dans la poussière. Passe, habitante de Saphir, dans une honteuse nudité. L'habitante de Tsoanan n'est point sortie. Le deuil de Beth-Hetzel vous prive de son abri. L'habitante de Maroth est en détresse à cause de ses biens, car le malheur est descendu d'auprès du Seigneur sur la porte de Jérusalem. Attelle le char au coursier, habitante de Lachi. Ce fut le commencement du péché pour la fille de Sion, qu'on ait trouvé chez toi les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à posséder Morézette de Jette. Les maisons d'Axib seront une déception pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un conquérant, habitante de Maréza. La noblesse d'Israël s'en ira jusqu'à Odolam. Arrache tes cheveux, rase-les à cause de tes enfants bien-aimés. Fais-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Chapitre 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui préparent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand c'est au pouvoir de leurs mains. Ils convoitent les champs et les ravissent, les maisons, et ils s'en emparent. Ils font violence à l'homme et à sa maison, au maître et à son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je médite contre cette race un mal, dont vous ne pourrez dégager votre cou, et vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps mauvais. En ce jour-là, on prononcera sur vous un proverbe, et on chantera une complainte. « C'en est fait, dira-t-on, nous sommes entièrement dévastés. Il aliène la part de mon peuple. Comment me l'enlève-t-il? Il distribue nos champs aux infidèles. » C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende chez toi le cordeau pour une part d'héritage dans l'assemblée du Seigneur. Ne prophétisez plus, prophétise-t-il. Si on ne prophétise pas à ceux-ci, l'opprobre ne s'éloignera pas. Toi qu'on nomme maison de Jacob, est-ce que le Seigneur est dépourvu de patience? Sont-ce là ses œuvres? Mes paroles ne sont-elles pas bienveillantes pour celui qui marche avec droiture? Hier, mon peuple s'est levé en adversaire. De dessus la robe, vous arrachez le manteau. Ceux qui passent sans défiance Vous les traitez en ennemis. Vous chassez les femmes de mon peuple, de leur maison chérie. À leurs petits-enfants, vous ôtez pour jamais ma gloire. Levez-vous, partez, car ce pays n'est pas un lieu de repos à cause de la souillure qui vous tourmentera et d'un cruel tourment. S'il y avait un homme courant après le vent et débitant des mensonges en disant « Je vais te prophétiser vin et cervoise », ce serait le prophète de ce peuple. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je recueillerai les restes d'Israël. Je les grouperai ensemble comme des brebis dans un bercail, comme un troupeau au milieu de son enclos, ainsi bruira la multitude des hommes. Celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, ils franchissent la porte, et par elle ils sortent. Leur roi passe devant eux, et le Seigneur est à leur tête. Chapitre 3. J'ai dit, écoutez donc, chef de Jacob et magistrat de la maison d'Israël. N'est-ce pas à vous de connaître le droit, vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui leur arrachez la peau de dessus le corps et la chair de dessus les os? Ils dévorent la chair de mon peuple, ils lui arrachent la peau de dessus le corps, ils brisent ses os, ils les mettent en pièces comme ce qui est dans la marmite, et comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront au Seigneur, et il ne les exaucera point. Il leur cachera sa face en ce temps-là, selon la malice qu'ils ont mise en leur action. Ainsi parle le Seigneur sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui, tant que leurs dents ont de quoi mordre, proclament la paix, et à quiconque ne leur met rien dans la bouche, déclarent la guerre. C'est pourquoi vous aurez la nuit au lieu de vision, et vous aurez les ténèbres au lieu de divination. Le soleil se couchera pour les prophètes, et le jour s'obscurcira pour eux. Les voyants seront confus, et les devins rougiront de honte. Tous, ils se couvriront la barbe, car il n'y aura plus de réponse de Dieu. Mais moi, je suis rempli de force, avec l'Esprit du Seigneur, et de jugement et de courage, pour dénoncer à Jacob son crime, et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et magistrat de la maison d'Israël, qui avait en horreur la justice et qui pervertissait ce qui est droit, bâtissant Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces prêtres enseignent pour un salaire, et ces prophètes exercent la divination pour de l'argent. Et il s'appuie sur le Seigneur en disant « Le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne saurait venir sur nous. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion deviendra un champ qu'on laboure. Jérusalem sera un monceau de pierres et la montagne du Temple un haut lieu boisé. » Chapitre 4. Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et élevée au-dessus des collines, et sur elle les nations afflueront. Et des peuples nombreux viendront et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi » et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre de nations nombreuses, et le juge de peuples puissants jusqu'au loin. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue, et leurs lances en faucilles. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils resteront assis chacun sous sa vigne et sous son figuier, sans qu'il y ait personne pour les troubler. Car la bouche du Seigneur des armées a parlé. Car tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, et nous, nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, toujours et à jamais. En ce jour-là, oracle du Seigneur, je recueillerai celles qui boitent, je rassemblerai celles qui étaient dispersées et auxquelles j'avais fait du mal, Et je ferai de celles qui boitent un reste, et de celles qui sont éloignées une nation puissante. Et le Seigneur régnera sur eux, sur la montagne de Sion, dès lors et à jamais. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, elle viendra jusqu'à toi. Elle te reviendra, l'ancienne domination, la royauté qui appartient à la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'y a-t-il plus de roi en toi, et ton conseiller a-t-il péri, pour que la douleur t'ait saisi comme une femme qui enfante? Sois dans les douleurs et les efforts, fille de Sion, comme celle qui enfante. Car maintenant tu vas sortir de la ville, et demeurer dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. Là le Seigneur te rachètera de la main de tes ennemis. Et maintenant, contre toi se sont rassemblées des nations nombreuses. Elles disent, qu'elles soient profanées et que nos yeux contemplent Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées du Seigneur et elles ne comprennent pas ses desseins. Savoir qu'il les a rassemblées comme des gerbes sur l'air. Lève-toi et foule, fille de Sion, car je ferai que ta corne soit de fer, et je ferai que tes sabots soient d'airain. Et tu broieras des peuples nombreux, et je consacrerai leurs gains à l'Éternel, et leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On a mis le siège contre nous. On frappe de la verge sur la joue le juge d'Israël. Chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur en Israël, et ses origines dateront des temps anciens, des jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera, jusqu'au temps où celle qui doit enfanter aura enfanté, et le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Il se tiendra ferme, et il paîtra ses brebis, dans la force du Seigneur, dans la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et on demeurera en sécurité, car maintenant il sera grand, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix. Quand l'Assyrien viendra dans notre pays, et que son pied foulera nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs, et 8 princes du peuple. Ils paîtront le pays d'Assur avec l'épée, et le pays de Nemrod dans ses portes. Il nous délivrera de l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays, et que son pied foulera notre territoire. Et le reste de Jacob sera, au milieu de peuples nombreux, comme une rosée venant du Seigneur, comme des gouttes de pluie sur le gazon, lequel n'attend personne, et n'espère pas dans les enfants des hommes. Et le reste de Jacob sera aussi parmi les nations, au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un jeune lion parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, foule et déchire, personne ne délivre. Que votre main se lève contre vos adversaires, et que vos ennemis soient exterminés. En ce jour-là, oracle du Seigneur, j'exterminerai tes chevaux du milieu de toi, et je détruirai tes chars. Je ruinerai les villes de ton pays, et je démolirai toutes tes forteresses. Je retrancherai de ta main les sortilèges, et il n'y aura plus chez toi de devin. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes stèles, et tu n'adoreras plus l'ouvrage de tes mains. J'arracherai du milieu de toi tes achéras, et je détruirai tes villes. Et dans ma colère et dans ma fureur, je tirerai vengeance des peuples qui n'auront pas écouté. Chapitre 6. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi et vide ta querelle devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, la querelle du Seigneur. Et vous, immuables fondements de la terre, car le Seigneur a une querelle avec son peuple, et il va plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je causé de la peine? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai racheté de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, souviens-toi donc du conseil qu'avait donné Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Souviens-toi de Sétim jusqu'à Galgala, afin que tu connaisses les justices du Seigneur. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Me prosternerai-je devant le Dieu de là-haut? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Le Seigneur agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma faute, le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon, et ce que le Seigneur demande de toi. C'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. La voix du Seigneur crie à la ville, et c'est sagesse de prendre garde à votre nom. Écoutez la verge et celui qui l'a ordonné. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha amoindri, abominable? Serais-je pur avec des balances injustes et de faux poids dans le sac? Les riches de cette ville sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Moi, à mon tour, je te frapperai de coups mortels, je te dévasterai à cause de tes péchés. Tu mangeras, mais sans te rassasier, et ta faim sera au-dedans de toi. Tu éloigneras, mais sans rien sauver, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne toindras pas d'huile. Le mou, mais tu ne boiras pas de vin. On observe les ordonnances d'Amri et toutes les pratiques de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils, afin que je vous livre à la destruction, et les habitants du pays au sifflet, et que vous portiez l'opprobre de mon peuple. Chapitre 7. Hélas, je suis comme après la récolte des fruits d'été, comme après le grappillage de la vendange. Pas une grappe à manger, pas une des premières figues que mon âme désire. L'homme pieux a disparu de la terre, et il n'y a plus un juste parmi les hommes. Tous ils se mettent en embuscade pour répandre le sang. Chacun fait la chasse à son frère et lui tend le filet. Le mal, il y a des mains pour le bien faire. Le prince exige, le juge fait son prix, et le grand manifeste son avidité. C'est ainsi qu'ils ourdissent ensemble leur trame. Le meilleur d'entre eux est pareil à l'épine. Le plus droit, pire qu'une haie de ronce. Le jour annoncé par tes sentinelles, le jour de ton châtiment est venu. Maintenant, ils vont être dans la confusion. Ne croyez pas à un ami, ne vous fiez pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les paroles de ta bouche. Car le fils traite son père de fou, la fille s'insurge contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et moi je regarderai vers le Seigneur. J'espérerai dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'écoutera. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Je porterai la colère du Seigneur, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il prenne en main ma cause et qu'il établisse mon droit. Il me fera sortir à la lumière, je contemplerai sa justice. Que mon ennemi le voie, et que la honte la recouvre, elle qui me disait « Où est le Seigneur, ton Dieu ?» Mes yeux la contempleront, maintenant elle sera foulée aux pieds, comme la boue des rues. Le jour vient où tes murs seront rebâtis. Ce jour-là, le décret sera retiré. Ce jour-là, on viendra jusqu'à toi, de l'Assyrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays deviendra un désert à cause de ses habitants. C'est là le fruit de leurs actions. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel. Qu'elle paisse en Basan et en Galaad, comme aux jours anciens. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses de toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent. Comme les reptiles de la terre, elles sortiront avec effroi de leur retraite. Elles viendront en tremblant vers le Seigneur, notre Dieu, et elles vous craindront. Quel Dieu est semblable à vous, qui ôtez l'iniquité et qui pardonnez la transgression au reste de votre héritage? Il ne fait pas à toujours prévaloir sa colère, car il prend plaisir, lui, à faire grâce. Il aura encore pitié de nous, il foulera encore aux pieds nos iniquités. Vous jetterez au fond de la mer tous leurs péchés, vous ferez voir à Jacob votre fidélité, à Abraham la miséricorde, que vous avez juré à nos pères dès les jours anciens.